toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Jolène Ruet et Critique de Crowd. Critique de Crowd. Effectivement, c'est la première fois que tu écoutes l'émission. Je critique les foules et j'observe aussi le spectacle. Mais j'aime bien être en ta compagnie d'humains, dans ta chaleur, dans ton accueil, être entouré de toi, Crowd. Ça fait la différence dans mon appréciation et de la musique et cette semaine aussi du théâtre. C'est la dernière... de cet hiver. Tu vois, j'ai un peu hésité parce que la saison où l'hiver est déjà fini, mais à CISM, elle se termine cette semaine et c'est ma dernière. Et il y a toujours bien du contenu que je finis par me dire « Aïe, aïe, aïe, quand est-ce que je vais vous le compter? » Puis c'est pas mal ça qui se passe cette semaine pour la pièce « J'en dis » que j'ai vue au théâtre d'aujourd'hui au mois de février. Bravo pour l'actualité. Effectivement, si je vous convainc d'aller voir la pièce, ce sera pour une autre production d'Olivier Chouanière et non j'en dis parce que comme de fait, elle n'est plus en présentation. Et sinon, ça, ce sera beaucoup plus d'actualité parce que je suis allée voir le Aprilis Fest. Ça, c'était vendredi et samedi dernier à la Casa del Popolo. Une belle fin de semaine incluant vendredi, samedi, là, une fin de semaine sans dimanche. Alors oui, c'était une belle fin de semaine avec du post-metal, post-rock, du doom, du noise. Ah oui, Jolène, je sais. Je suis toujours en train de vous mettre beaucoup de métal, alors c'est encore l'occasion d'en remettre sur les ondes de CISM. Et encore plus avec Jean Di, je vais vous expliquer pourquoi après la douce mélodie de Simon Kingsbury et la chanson Comédien. Rose sur son plus récent album. Et oui, vous avez entendu de Pêcher Rien, Simon Kingsbury, la chanson Comédien. Parce qu'on jase de théâtre à Critique de Crowd. Et aussi parce que peut-être qu'une petite ambiguïté entre mais qui est le comédien et qui est le public aura eu lieu durant le spectacle. J'en dis, ben oui, c'était du 20 février au 17 mars. Oui. Je ris de moi parce que je me dis pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour vous en parler. J'aurais bien voulu vous inviter, quoique je l'ai fait à quelques reprises dans mes suggestions de la semaine, tous les spectacles à voir à Montréal. J'attendais le timing et des fois, il faut pas l'attendre. Il faut juste raconter. Et ce sera d'un souvenir quand même encore frais en tête, mais ça... Peut-être que ma critique, elle aura une petite distance étant donné justement le temps qui a passé. Alors, j'en dis d'Olivier Chouanière, c'est une pièce déjà en partant, je crois que c'était assez annoncé, du moins moi je suis allée pour ça. Oui, et même que j'ai été invitée parce qu'il y avait un groupe de death metal sur scène. Je dis sur scène, mais parlons tout de suite de la scénographie. Le groupe sera toujours sur scène, mais c'est comme une mezzanine, fait qu'il y a comme deux steps à la scène, alors eux seront plus près du sol, tandis qu'il y a une partie qui est surélevée avec des escaliers et même des espèces de rideaux dorés, là, des belles franges de dorures qui donnent une allure, de quiz, spectacle un peu télévisuel cheap. Enfin, avec les étranges costumes que peut porter aussi le groupe qui s'appelle Jeandette. Et oui, Jean n'est jamais présent sur scène, mais le groupe l'incarne un peu en quelque sorte. Peut-être me direz-vous, mais pourquoi du death metal au théâtre? Ben, le metteur en scène, il voulait représenter comme la confusion à travers laquelle il existe, puis qu'on cherche une vérité. Parce que c'est le gros sujet de la pièce, la vérité. Et il trouve que le death metal, ça fait brasser la cage. Il y a quelque chose de radical, anticonformiste, comme une quête de vérité qui se fait de façon assez particulière, comme dans la pièce. Je trouve ça tellement tough de faire une critique de crowd d'une pièce de théâtre sans vous résumer tout le show. Heureusement, dans ce cas-ci, pour vous, chers auditeurs, la structure est assez répétitive. Il va y avoir une douzaine de personnages, mais ça va toujours fonctionner avec le même schéma dont Luc part la patente. Luc, qui propage la vérité. Lui, il a décidé qu'il était toujours franc, qu'il allait toujours dire la vérité à tout le monde, peu importe ce que ça allait faire. Et aussi, qu'est-ce que la vérité? Parce que c'est sa vérité à lui. Alors, il convainc à la fois sa date, d'où part la pièce. Et ensuite, ce sera le fils de sa date, la meilleure amie de sa date, l'employeur, le prof d'histoire du fils, un itinérant. Ça va jusqu'à un médecin, un journaliste, le premier ministre. Tout le monde embarque dans cette... dans cette patente, parce qu'on ne dira jamais que c'est une secte ou qu'ils sont conditionnés, mais oui, il y a un grand sentiment d'être aliéné, même en tant que spectateur. C'est sûr que ça, on ne peut pas tant le ressentir parmi les gens qui sont autour de nous, à côté de nos sièges, mais en parlant après le spectacle, je crois que... On le ressentait, oui, tous, c'est comme une espèce de poids, oui, le sentiment d'aliénation étant donné la répétition qu'il y avait dans la pièce de théâtre. Mais comme je vous dis, ça, c'est pas très palpable, où tu vois pas une face qui exprime ça durant le spectacle. Par contre, on pourrait toujours exprimer ce sentiment d'agression par rapport à la musique. J'avoue que je l'ai pas tant remarqué parce que le soir de la première, il y avait dans la salle, plein de métalleux, je dis plein. Mais quand même plusieurs. Mais oui, il y avait les frères Souto d'Anonymous, il y avait Barf, il y avait le chanteur de Barf dans la salle. Alors eux, ils devaient pas avoir mis de bouchons. Non, ils en ont mis parce que on le sait, il faut faire attention à nos petites oreilles. Je vous dis ça parce qu'à l'entrée, avant le début du spectacle, il y avait comme deux bols pour des bouchons pour justement faire attention à nos joyeuses oreilles. Et il y avait une qui était indiquée pour les amateurs de théâtre qui ne sont pas habitués au death metal et pour les death metalleux qui sont pas du au théâtre. Et j'avoue, j'ai bien apprécié la blague et en même temps, je savais pas jusque où l'analyser. Tu sais, c'était pas genre, je vais mettre des bouchons pour pas écouter le reste de la pièce. Moi, je vais juste écouter la chanson. Tu sais, c'était pas... Non, ça aurait pas été très, très, très, très, très, très, très logique. Je vous ai résumé très, très rapidement la pièce, mais pour le départ, simplement, je trouve qu'il y avait déjà une certaine partie où certaines hésitations entre une interaction avec le public, la crowd, et les comédiens. Comme j'ai mentionné, il y a un aspect, tu sais, quiz très faussement festif sur scène, et c'est de façon très entertainer que les comédiens vont nous dire « j'en dis, répétez, j'en dis ». Oui, vraiment comme des animateurs de foule. Et me semble que ça n'a pas eu une très grande réaction dans la foule. Sommes-nous pognés en tant que spectateurs de théâtre? Avons-nous une certaine retenue? Quand est-ce qu'on se dit, c'est-tu un quatrième mur? Il s'adresse-tu à moi? Est-ce que je dois répondre à ça? Je crois qu'il y a eu déjà peut-être cette ambiguïté-là, cette... être tenté de oui répondre. Et en même temps, non, je trouve que c'était clair qu'il s'adressait à nous, mais jusque où faut-il participer? Peut-être que c'était là où il y avait déjà un certain flou, ouais, déjà en partant dans la pièce, et surtout un éclairage très lumineux sur le public. Ça aura pris beaucoup de temps avant qu'ils finissent par descendre puis qu'on soit absorbé par le spectacle. Vraiment, l'introduction, on sentait une inclusion du public dans la pièce de théâtre, tout en n'étant pas un personnage en soi. Les limites. Alors, sur ce, ben écoute, j'ai déjà dit qu'il y avait Anonymous puis Barf dans la salle. Je vous en mets beaucoup trop souvent sur les ondes de CISM. Ceci n'est pas une excuse pour pas en écouter encore plus. Ah, comme de fait. Alors, on s'en va écouter Barf sur l'album Surprise Faux Pas. Oh! des chansons qui sont quand même d'adon avec la pièce J'en dis qui aborde le grand thème très et très large thème de la vérité. Alors, faut pas de barf avec Surprise et L'heure de vérité d'Anonymous sur leur album État brut et critique de crowd. Et je vous ai parlé de la Céno, puis j'ai je savais que j'allais oublier. C'est ça qui est tough. J'ai oublié de vous dire certains détails qui pouvaient être quand même essentiels. Tels qu'il y avait des écrans. Bon, dit de même, c'est un peu anodin, là, mais quand même. Au départ, ils servaient surtout à projeter les décors. C'était, si ça se passait dans la chambre de l'adolescent, ben c'était la photo d'une chambre d'adolescent. Mais à un moment donné, je vous dirais, au tiers de la pièce, c'est nous autres! C'est le public qui est projeté sur l'écran, alors sur scène aussi, en quelque sorte. Et c'est-tu pas le merveilleux hasard qu'ils ont, qu'ils ont décidé de spotter Daniel Souteau? Alors oui, il y a eu quelques rires dans la salle. Oh! De là, c'était pas parce que c'était drôle, c'était tout simplement parce que, oui, il y avait plusieurs métallus dans la salle, alors oui, il était, disons, un public reconnu. Et c'était aussi le moment où Luc, le personnage qui est un peu comme, j'ai envie de dire un peu comme le gourou, là, de cette tribu de gens qui veulent que la vérité et qui recrutent pour la vérité. Et il demande au public de justement nous de confier un mensonge, de dire la vérité à tout le monde. Et on voit bien la transition entre les moments où il y a potentiellement l'interaction avec le public et là où il n'y en a pas, c'est, ben oui, l'éclairage qui complètement fait une douche sur la crowd. Alors, on est bien éclairé. Daniel Souteau est bien éclairé. Non, il va pas dire de vérité. Mais il va avoir une certaine... Ouais, une petite longueur, un silence, on attend. Et c'est là que je vois tout le potentiel de la possibilité, peut-être, potentiellement, parce que non, il s'est rien passé, qu'il arrive de quoi, oui, une interaction avec la foule, parce que, tu vois, là, c'est juste assez long. Mais en même temps, tu sais, c'est pas si long que ça comme silence. Quand on le soutient longtemps, peut-être que ça va vouloir amener les gens à participer ou même sentir l'obligation de participer si ça avait été un silence là, qui éternise. Et j'avoue que ça n'a pas été assez... Il a été long quand même, mais pas assez pour qu'on sente comme un sentiment de solidarité ou de « oui, moi, je vais prendre position et je m'en vais représenter la foule. Je viens à votre aide, je vais dire une vérité. » Faut dire aussi que oui, effectivement, c'est facile d'être gêné et c'était compromettant comme demande du spectacle, des comédiens, de confier une vérité. Personnellement, il me semble que mon hamster, tu sais, dans ma petite tête, là, tu sais, ça roulait, là. Je me disais, voyons, je dois avoir de quoi dire d'intéressant, tu sais, mais on dirait que c'est comme demander une anecdote à quelqu'un. C'est pas parce que tu dis, hey, compte une anecdote que t'en as un comme ça, vite de même en tête. Non, tu sais, d'habitude, faut être un peu relax, détendu. Les circonstances font que ça nous revient plus facilement en tête. Alors, j'accuserais la gêne et aussi la rapidité de trouver quelque chose de pas pire à dire parce qu'il fallait aller sur scène, prendre le micro, puis aller compter notre anecdote pour par la suite peut-être être recruté. Là, mais bon, personne ne l'aura fait dans la foule. Et en même temps, c'est là aussi qu'il y a un autre aspect intéressant, c'est que, évidemment, c'est des comédiens, puis oui, c'est une pièce de théâtre, alors leurs vérités sont un mensonge! Mais ils sont pas un mensonge. Tu vois, c'est ça que j'ai pas tant apprécié de la pièce, c'est que, tu sais, la limite entre une vérité puis un mensonge, c'est de la fiction, c'est pas faux, c'est de la fiction. Alors, c'est sûr que eux, ils disent des vérités qui n'existent pas dans notre réalité. Alors, c'est normal qu'on ait une petite retenue entre qu'est-ce que j'ai à dire, parce que même si un des comédiens va dire qu'il a trompé son mari, ben, ce sera pas la même répercussion que si toi, tu dis que tu as trompé ton mari, surtout si tu l'as, s'il t'accompagnait durant le spectacle. Ça se peut que ça finisse moins bien ta soirée. Et parce qu'autrement, je me dis, le théâtre, c'est quand même très conventionnalisé. On est assis, il fait noir, t'applaudis à certains moments très précis. Au final, dans les spectacles de musique aussi, il y a plein de conventions. Des fois, ils sont plus flexibles que d'autres. Puis ici aussi, le quatrième mur était flexible. Mais je crois qu'il est devenu plus massif, plus opaque quand quelqu'un a fini par réagir. Mais Quelle surprise, c'était d'une comédienne. Évidemment, on ne le dira pas tout le long de la pièce. Là. On présume que c'est une comédienne parce qu'elle fait beaucoup trop bien partie de l'histoire. Alors, cette chère Paula qui compte une vérité, mais finalement, elle est obligée de confesser contre son gré que Paula, c'est son vrai nom parce qu'elle avait donné un autre. Elle trouve que Paula, c'est pas un joli nom. Et finalement, elle se choque contre les comédiens. Elle sort de la salle. Et non, ça amène pas d'autres personnes du public à sortir choquées. Et elle va revenir comme ça, peut-être deux fois durant la pièce, interagir avec les comédiens, essayer de les remettre en question face à leur notion de vérité. Puis c'est là que je trouve qu'il est devenu opaque le quatrième mur, parce que dès qu'on voit bien que c'est une comédienne, on se dit que la place où des vrais spectateurs ont d'interagir avec la pièce n'existe plus. Tu sais, oui, ça existe des pièces de théâtre où il va y avoir différentes options dans le texte. Alors, dépendamment de la représentation que tu vas voir, ben, t'auras pas nécessairement la même vue la veille ou l'avant-veille. Mais là, non, ça sent bien que c'est, disons, une partie qui peut-être pourrait être agrémentée par des spectateurs un peu plus show-off, mais que ça va être plutôt limité là-dessus. Ouais. Et en même temps, je sais que c'est pas l'objectif de la pièce de théâtre non plus, mais pour moi, c'était, oui, pour Critique de Crowd, ça aurait été un moment fort marquant, mais aussi parce que ça nous ébranle en tant que spectateur. T'es là, assis bien confortablement. Oui, tu sais, ton entertainé au début du show, mais ça reste petit par rapport au reste du spectacle. Alors, de venir te chercher personnellement, je sais pas si ça a amené la réflexion de la vérité un peu plus profonde chez certains spectateurs qui ont fait une introspection durant ce moment-là. Ça, je pourrais pas dire. Parce que comme j'ai dit, moi, il me semble que j'avais vraiment envie de monter sur scène puis dire quelque chose, mais je cherchais fort, puis j'étais comme, voyons, si Jolaine, t'as déjà dit des mensonges dans ta vie, force-toi, puis ça me donnait vraiment pas rapidement. Alors, voilà, on va continuer en musique avec encore une chanson qui vous parle de vérité, François et The Atlas Mountain. Ben oui, un vieux hit de CISM. Que croyais-tu voir dans la rue quand tu m'as croisé cette fois-là? Que voyais-tu dans mon regard écru? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues? Tirer entre deux beaux draps là? La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. Je peux te voir. We'll be right back. La vérité de François et The Atlas Mountain. Et voilà, c'était ma critique de Jandy. Si jamais vous êtes allé voir la pièce, je serais bien curieuse de savoir s'il y a des gens, oui, qui ont osé monter sur scène et dire la vérité. Ouais, j'aimerais bien ça savoir. Fait que critique de crowd, Facebook, courriel, tout ça ensemble, c'est bien magique pour qu'on puisse correspondre. Sur ça, ben, c'est les publicités. Puis après ça, ben, ça va être le Aprilie Fest. Ça, c'est le genre d'événement qui j'apprécie, mais me donne un petit niveau d'angoisse. Je t'explique pourquoi après les publicités. Tantôt! Du 4 au 6 mai prochain, le noyau villageois de Mascouche et le Vieux-Terrebonne accueillent le festival Grande Tribu. Plus de 25 spectacles musicaux seront présentés dans des lieux inusités comme le garage du curé, la crypte de l'église ou la salle du conseil. Faites partie de la tribu et venez assister à des spectacles de jazz, de trad, de métal ou de bluegrass. Programmation complète au festivalgrandtribu.com. Dans le cadre du 34e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui se tient du 17 au 20 mai 2018, CISM 89.3 est fier de présenter le concert du groupe japonais Afrirampo le samedi 19 mai à minuit. Préparez-vous à une tornade multicolore qui soulève tout sur son passage. Pour plus d'informations, visitez le www.fimav.qc.ca. Du 17 au 20 mai, c'est à Victo que ça se passe pour le 34e FIMAV. Les amateurs de découvertes musicales se donnent rendez-vous le 7 mai dès 19h30 au Club Soda pour la grande finale des Francouvertes. Les porte-paroles Clou Pelgag et Tire le Coyote ouvriront la soirée suivie des trois finalistes Lou-Adrian Cassidy, La F et Crab. Au programme pop-folk hybride, hip-hop, jazz, soul, électro et punk déjanté. Soyez présents et contribuez au choix du lauréat de la 22e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM. Les Franco de Montréal célèbrent leurs 30 ans en grand. Dans le cadre de la série Tout en chansons, La Presse Plus à l'Astral, voyez Mara Tremblay et les chansons de son nouvel album Cassiopée. Les deux buzz de la musique francophone, Hubert Lenoir et Angèle. Le rappeur franco-rwandais Gaël Faye. Et beaucoup d'humour et pas mal de musique avec Guy Hedré et Daniel Grenier. Billets en vente au francomontréal.com. Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto-Québec en association avec La Presse Plus et CISM. Voir un classique en famille sur écran géant? Quoi de mieux pour commencer sa journée? Présenté au cinéma du parc les samedis et dimanches matin à 10h, découvrez Matin au parc, une nouvelle série de films qui conjugue classique et perles rares pour petits et grands. Matin au parc, le rendez-vous matinal pour la relève des cinéphiles. Dans le bon vieux temps, ça se passait. Viens célébrer l'été à la 30e édition des Franco de Montréal. Sur scène, un concert de punk québécois qui bouge avec Extérion, Kamakazi et Captain Revolt. Une soirée de hip-hop avec Seba et Org et Domatic. Et le rock électrisant du groupe montréalais Galaxy. Billets en vente au francomontréal.com. Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto-Québec en association avec La Presse Plus et CISM. Ben Howard en concert. Le samedi 6 octobre au Centre Bell, ne manquez pas Ben Howard. Billets en vente le vendredi 4 mai à midi au 1-855-310-2525 ou sur evenco.ca. Nouvel album, Noon Daydream, en vente le 1er juin. Vous écoutez CISM 89.3 FM. crache du feu. Il a l'air de penser que j'suis un peu rude. C'est pour me sur un 25 pieds pour réussir à ton palais. Attrapé par la queue, la clouer au sol avec un pieu. Ta crise de l'âme m'a t'a coupé. Tu vas finir de dégraisser. Chasseur de dragon, je l'écris dans mon CV. Chasseur de dragon, c'est un esti beau métier. Chasseur de dragons sur les ondes de CISM. Et oui, peut-être vous aurez reconnu les gourous! Les gourous et... Oh! C'était un rire et de la tristesse à la fois! Parce que là, je me suis dit, Jolène, t'as pas encore fait assez de recherches. Peut-être que ce show n'est pas 100% annulé. Parce que comme de fait, Gourou était en spectacle à Montréal, mois de juin, là, avec War Slavers, Lou Jay et Destruction Derby. Je vous ai mis il y a pas si longtemps que ça. C'est peut-être même la semaine dernière, genre. Fait que je me disais, méchante belle soirée en perspective. D'autant plus que Gourou a sorti un album en mars dernier. L'album chef-d'œuvre ou un assortiment de chansons légendaires. Quel titre merveilleux. Alors quand j'ai vu dans mon fil d'actualité Facebook que l'événement était annulé, j'étais vraiment comme oh non, j'étais vraiment triste. Fait que j'espère que c'était une fausse annulation, comme tu vas recréer un autre événement parce que je sais pas moi, tu le trouvais pas beau là. Des fois ça arrive, des fantaisies sur les internets. Alors voilà, c'est à suivre pour un spectacle de gourou et une critique de crowd, parce que tu écoutes Critique de crowd sur les ondes de CISM le 89.3 FM. Et comme d'habitude, ben des suggestions ce jeudi, ça c'est ce soir, il y a Klaus Alesco, sinon il y a Braids à la Salle Rossa. Vendredi, si tu as soif de métal, il y a le Metal Blash au Piranha Bar. Ça commence de bonne heure, fait que vas-y gaiement voir. Il y a du Ben en masse, attention. Torturé, Discord, Obsolete Mankind, que j'aime beaucoup. Hitbridge, Chaos, Spirit of Rebellion et Réplicant. Samedi, si inversement tu veux un samedi tout en douceur, va voir Charlotte Day Wilson. Ça se passe sur Théâtre Plaza. Ah, je trouve tellement qu'il n'est pas assez booké dans la vie. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de loge. Il n'y a pas de loge, mais il y a aussi comme pas de corridor. Bref, c'est pas tant bien arrangé, mais c'est une belle salle, puis je l'aime beaucoup. Alors, pour tout ça pour vous dire que ça va être bien agréable avec Charlotte Day Wilson. Ramenez-moi la critique de crowd si vous y allez. Lundi, la grande finale des Francouvertes au Club Soda. Ça, je vais y être. Ça va être une première. Je suis bien excitée. Mardi, Men I Trust à la Salle Rossa. Mercredi, ah! Ça, c'est le moment où les poêles puis les punks, peut-être qu'ils se posent pas de questions, mais moi, je suis comme, oh mon Dieu, j'aurais tellement voulu voir toutes ces shows-là en même temps, parce qu'il y a Obituary au Club Soda. Et là, sinon, peut-être que tu es plus Mad Caddies. Et oui, ils vont jouer au théâtre Corona et je trouve que ça prépare bien ton Poudre Fest dans une couple de semaines. Sinon, j'ai oublié tous ceux qui trippent Psyche, parce que le Distorsion Psyche Fest commence aussi mercredi avec Jonathan Gatt, Teki Teki, Sun Watcher, Chris Forsyth. Ça se passe à l'église Saint-Enfant de Jésus. Mais là, j'avoue que là, je sais pas comment je vais gérer mon soir parce que en premier, ça se passe au Quai des Brumes. C'est le lancement de programmation de CISM tout en été. Et oui, on va être là. On a envie de te voir, crowd. Viens faire des coucous, viens boire de la bière et viens voir J. Scott et Smitty Bacarlé parce qu'ils vont faire une merveilleuse prestation. Et tant qu'à le dire, autant en écouter. Je suis certaine que ça va donner encore plus le goût d'être présent à notre 5 à 7. Alors, J. Scott et Smitty Bacarlé avec la chanson Personne qui se retrouve en première position du palmarès. Tain-toi. On va virer sur le top comme Dunk Shot. On va crier fuck the world. On s'en calisse, qu'est-ce que tu veux? On est perdu, babe, on est perdu. La tête dans nos cellphones. Non, on répond jamais quand c'est sain. On connaît tout le monde, mais on parle jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais. J'ai des numéros, mais je les donne. Jamais à personne. Jamais. Parole de 44 carats que tu me confies, je le dis. Jamais à personne. On se parlait en personne, mais aujourd'hui, on parle. Jamais à personne. On pense 4238 du même par jour, mais on parle. Jamais à personne. 5000 likes sur ta photo, mais t'es personne. Qu'est-ce que tu fais si on t'enlève ton téléphone? Trouver comment gérer un type qui peut payer plus. Tout ça, c'est ridicule. J'ai des milliers d'amis, mais je les ai jamais vus, non. On a jasé sur le net. On a gagné, vite en vient, vite, mais snap, si on s'en rappelle. Je connais pas ton nom, mais je connais ton adresse. Yeah, baby. Faut qu'on parle, commence, ben oui. On est perdu, j't'ai menti. J'suis pas docteur, j'travaille même plus. J'passe des galettes pour payer nos dettes. J'te fais croire n'importe quoi sur le net. Les clics vont finir par payer leur chalet. J'te fais croire n'importe quoi sur le net. Comme TV, ma nouvelle, yeah. Qui survit 62 ans dans une toilette du McDo. Yeah, yeah. À commencer une petite Jésus après avoir mangé un pogo au cinéma Pluto. Ils ont bourré ma tête de données ironie. Public semble de moins en moins étonné. Fait que t'es venu temps de se réveiller pour plugger le cinéma Goudou, j'ai été payé. Ouais, j'ai eu deux entrées gratuites avec un popcorn. J'ai invité un ami, c'était complètement malade. Le boy Michael, yeah, we don't give a fuck. Quand tu fuck the world, tu dis ferme ta gueule. Fuck the world. Ok, d'ailleurs. Tu veux check tes tunes, moi, mon crâne. Quand je vous écoute, je fais juste bail. Mon gars, je suis pas DJ Khaled. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là. Tes commentaires sont moins pris au sérieux quand sont bourrés de force. Si t'es l'idole à quelqu'un, t'es l'inconnu de quelqu'un d'autre. On va virer sur le top comme Dunk Shot. On va crier fuck the world. On s'en calisse, qu'est-ce que tu veux? On est perdu, babe, on est perdu. La tête dans nos cellphones. Non, on répond jamais quand c'est le sein. On connaît tout le monde, mais on parle jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais à personne. Jamais, jamais. J'ai des numéros, mais je les donne. Jamais à personne. Jamais. Parole de 44 carats que tu me confies, je le dis. Jamais à personne. Jamais. On se parlait en personne, mais aujourd'hui, on parle. Jamais à personne. Jamais. On croise 4238 du même par jour, mais on parle. Jamais à personne. Ça c'était ton plan, non? Ouais. Aujourd'hui c'est personne. Hein? L'autobus c'est plein, mais en vérité y'a personne. 52 places remplies d'étrangers, la tête jusqu'au cou dans un cell phone. Comme des autruches qui se promènent avec une poignée de sang pour parler sans entendre personne. Écoute ta propre personne et réponds-lui la même chose deux fois. Écoute ta propre personne et réponds-lui la même chose deux fois. Fast food, manger tellement vite, j'en ai oublié dans mon trio bing. Y'a Carl and Everett, combien de temps? J'sais pas, mais j'le bois en 11 minutes 6. Vends le taxi, crash and whip. Take a selfie avec la police. 11246 likes sur ta nouvelle photo profil. Écoute pas l'album, écoute le single. Écoute pas le single, regarde le single. Regarde, c'est écouté par combien de personnes? Ça a été regardé par combien de personnes? Appuie sur le bouton qui partage à personne. Sans jamais appuyer d'artiste en personne. Ditch l'appel si j'connais pas la personne. Mais des fois j'me dis que j'connais. Bouge, confiance, bouge. Ne les bagoute avec ta sonnerie personnalisée. Aujourd'hui t'as tout. Tu t'affiches de contact, je l'ai même supprimé. Personne et personne sont en bateau. Qui est là? Personne. Soudainement leur téléphone tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Un chevreuil. Put me down, put me down, put me down. Fuck it, on va rebondir. J'ai pas passé mon bas, je l'ai raté. Tony est encore le président. Ça fait 3 ans que j'ai la majorité. Puis j'en ai, je pesais la gravité. Y'a du monde qui s'arrache contre une gang de réfugiés. Besoin sur mon été rack, pas y refuser. Y'a bien des choses qui s'aident à me mettre à taille. Y'a la femme, y'a un fuck it, on va poser. Me suis mis les pieds dans les plats. Y'a fuck it, on va poser. Ils ont voulu nous lier les bras. Aïe, fuck it, on va poser. Y'a tellement de choses qui tombent en rond dans ce monde. Tellement de tragédies, on a perdu le camp. C'était longtemps après chaque funérailles. Pour me down, yeah, fuck it, on va poser. Même si tu m'aplatis, boy, on va rebondir. J'ai même plus d'appétit, fuck it, on va bronzer. Dans mon basse appétit, et les plus rebondis. Jamais de pacotis, tous les stops 10 sur 10. Vince Carter, quand je rebondis contre le basket, même le con, il conduit. Frankie on top of his game, gros bonnet gang, vous savez d'où on vient. Yeah. Ouh, Montréal métropolitain. Boulanger, je fais mon propre pain. Aucun danger que je reste sur ma faim. Sur le plancher du début à la wouh. Je me suis mis les pieds dans les plats, yo, fuck it, on va bronzer. Ils ont voulu nous lier les bras, aïe, fuck it, on va bronzer. Y'a tellement de choses qui tombent en rond dans un monde tellement de tragédies. On a perdu le compte et l'on danse après chaque funérailles. Pour me dire, yeah, fuck it, on va bronzer. La ride elle est bungee, ride elle est bungee. Sauf que t'en vas rebondir, t'en vas manger. La route elle est longue, la route elle est longue. Hey. Jump, jump, jump, cours, cours, cours à la forêt. Tous les jours je suis actif, y'a mes boys connaissent. Hey. Jump, jump, jump pour la connex. Hey. Vas-y faire de la place à la relève. Avec ma gang de rigolo. Oh non, on y va pas mal low. Oh my god, man, c'est trop chaud. Si on arrête, man, c'est trop tôt. Cuisine, la usine, la quoi? Je connais mon compte de banque comme je connais la cave. Y'a des pattes, les gens connaissent 5 ou 4. Mon réalité en de l'est. Me suis mis les pieds dans les plats. Yo, fuck it, on va bondre. Ils ont voulu nous lier les bras. Fuck it, on va bondre. Y'a tellement de choses qui tomberont dans ce monde tellement de tragédie. On a perdu le compte, c'est longtemps après chaque funérail. Fumidaire, fumidaire, yeah, fuck it, on va bondre. Me suis mis les pieds dans les plats. Yo, fuck it, on va bondre. Y'a voulu nous lier les bras. Fuck it, on va bondre. Y'a tellement de choses qui tomberont dans ce monde tellement de tragédie. On a perdu le compte, c'est longtemps après chaque funérail. Fumidaire, fumidaire, yeah, fuck it, on va bondre. OGB sur les ondes de CISM, sur l'album 1 se retrouve la chanson Rebondir. Et ça, c'est accompagné de Fouki, qui se retrouve aussi ailleurs dans le palmarès. Alors, peut-être qu'il va faire des featuring aussi mercredi prochain au Quai des Brumes. Qui sait? Qui sait? Alors, on dirait que je viens de le lâcher, mais non, j'ai pas de fausse surprise. Comme... S'il est là pour de vrai, je vais être la première surprise, OK? Allez, c'est ça. Alors, on a entendu Rebondir et on a aussi entendu Personne de J. Scott et Smitty Bakar. Les eux autres vont être vraiment le mercredi au lancement de programmation de CISM. Et pour toutes les belles chansons que vous venez d'entendre, et oui, le palmarès, et oui, sur les internets, ça se retrouve bien, CISM893.ca. Et je sais, je te fais confiance, Crowd, tu trouves bien l'information et tu écoutes très bien aussi Critique de Crowd qui, aïe, aïe, aïe, le Aprilis Fest avec bien des i. Et ça se passait du 27 au 28 avril à la Casa del Popolo. Et je me disais, voyons, c'est au mois d'avril. Ça doit être pour ça que ça s'appelle Aprilis, comme pour Avril ne te découvre pas d'un fil, ou tape sur toutes tes cordes de ta guitare. Et il y en avait certaines qui avaient plus que 6 cordes et des basses avec plus que 4 cordes. Alors, il y en avait à volonté pour plus de bruit. Cette soirée qui était sous la thématique Mort à l'hiver. Deux soirées de Doom, Stoner, Psy, Drone, Noise, Sludge, Post-Metal, Post-Rock, Post-Hardcore. Dis de même, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de genres musicaux, mais que c'était... C'est pas homogène, mais c'est y avait une belle unité dans les deux soirées. Et moi, vraiment, je trouve que l'alignement était intéressant. Plus Doom le premier soir, plus Post le lendemain. Puis même là, à Léo 2, on voyait une certaine continuité. Alors, on dirait que j'hésitais à dire le mot homogène. C'était pas homogène, parce que comme vous avez compris, il y avait plein de genres musicaux. Mais une belle continuité avec Strange Brew, Monobro, Norilsk et Enfer et Curse. Et je les ai pas vus. Je suis arrivée en retard. Ah, je sais, je sais. C'est commencé de bonne heure, tout ça. Et tantôt, on parlait de vérité. Et pour être bien honnête avec vous, chers auditeurs de la marge, je pense que j'avais envie de terminer mon mois d'avril avec une grosse date avec moi-même chez nous, à être avec moi-même tout seul, comme avec chez nous, chez moi, et c'est ça. Et j'ai choqué, moi, ma propre date avec moi-même. Ben oui, tout pour les spectacles, tout pour la crowd. Et j'ai croisé Mike, le mythique disquaire de l'Oblique, direct à côté sur, sur la casa. Et je fais, hey, Mike, c'est bien beau de te voir. Puis il est comme, ben, c'est sûr que j'allais être là à soir. Mon band jouait. Et j'ai dit, ah, mais lequel? Et il joue dans Enfer, qui est un groupe de doom psychédélique. Et c'est le seul de la programmation qui avait pas de lien Internet. Fait qu'on peut pas l'écouter à l'avance. Je me suis dit, quelle exclusivité et quel nom savoureux. Parce que là, tu l'entends pas parce qu'on est à la radio. Mais c'est Enfer comme, pas en aluminium, là. Enfer! Jusque, oh, le jeu de mots, toi! Fait que, ça m'avait donné le goût vraiment de les voir. Fait que j'ai eu tort sur mon retard. Et aussi, c'est sans le savoir que je connaissais les membres du groupe. Ah, quel addon! Montréal est petit, on fait trop d'affaires, c'est si beau. Puis, on dirait que je suis remplie de candeur puis de joie, puis ça met un petit peu retonti dessus quand Mike, il m'a dit « Ah, mais pourquoi tu voulais passer une soirée comme tout seul avec toi-même? Genre, tu vas avoir toute ta vie pour faire ça, être seule chez vous, vieille, hein? Quand on vieillit, on fait juste ça! » Puis je... Oui, ça m'a mis comme dans un... Ben, pas un drôle de sentiment, mais... Le fait que dans la crowd, j'essaye de voir des fois, oui, c'est à peu près quel âge sont la foule. Je vous dirais que durant le Aprilis, on était quoi, du 25-40 ans, tu sais, le range d'âge est quand même large, mais que pour plusieurs, la notion de sortir devient avec une date d'expiration. Parce qu'on devient vieux, puis oh, nos amis sortent plus, puis oh, quand on est lendemain de veille, le lendemain, ben, c'est plus difficile, mais bois moins, c'est le truc. Mais il y a comme plein de facteurs superficiel, comme justement dire que tu sais, si tu bois, tu vas être trop lendemain de veille, puis après ça, tu peux plus rien faire, puis blablabla. Ça s'appelle des excuses. Puis j'ai eu le même commentaire le lendemain de quelqu'un que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. C'était un ancien de CISM. Je fais, hey, c'est bien le fun de te voir. Puis il s'est traité de vieux crouton, puis il a dit, ouais, je sors, comme si ça arrivait jamais. Mais non, je le croise tout le temps à des spectacles. Je suis comme, voyons, quelle façon des fêtes, il faut justement fêter. C'est les spectacles, il y a de la magie, de la joie. Tant qu'on n'arrête pas de sortir, on n'est pas vieux. Je crois que je suis encore du bon côté de la barrière avec ma petite face qui me donne pas l'âge que j'ai. Mais c'est très quétaine, mais je tiens à vous le répéter, chers auditeurs, c'est bien dans ta tête. Parce que tant que tu auras envie de sortir, que tu auras envie de découvrir la musique, ben il n'y en a pas d'âge. Puis ça m'a beaucoup confronté, comme deux fois en deux soirées. Fait que je tenais à te le dire. Puis vas-y, sors, mais ça me c'est l'inverse. Ça fait longtemps que t'es pas sorti. Redécouvre tes salles de spectacle de Montréal. J'espère que je te convainc à chaque semaine. Colin! Fait que sur ce, Aprilis Fest, ça c'est bien des i comme j'ai dit, mais c'est bien des jeux de mots avec avril, fait que je me suis gâtée, puis on va aller écouter du Loïc Avril. Puis avec le certain lot de violence que peut avoir la musique qu'il y avait durant le festival, ben j'avais bien envie d'écouter Fleur de violence de Loïc Avril. Bluffé mes sentinelles. Vous venez d'entendre Loïc April avec la chanson Fleur de violence et critique de crowd au Aprilis Fest. Et ben écoute, être arrivé un peu en retard, j'aurai l'occasion de voir trois groupes ce soir-là. Alors, Norilsk, groupe de Gatineau, qui ont sorti en novembre l'année dernière Passage des glaciers. Alors, ils avaient des chansons bien récentes à nous partager. Et c'est drôle que je précise qu'ils viennent de Gatineau, parce que je pense qu'ils l'ont dit aussi durant le spectacle. Et oui, ça, je trouve ça toujours drôle, le sentiment d'appartenance que nous avons avec de où c'est qu'on est né, parce que on n'a pas tant choisi ça, mais on en est bon, on peut ne pas en être fier, mais on peut en être fier, mais on a un sentiment d'appartenance. Fait que oui, il y a eu un petit cri d'exclamation comme yeah, visiblement, ou plutôt de Louis, on a bien compris que quelqu'un d'autre venait de Gatineau, ou peut-être avait-il travaillé, fraternisé avec des gens de là-bas et il était comme très heureux qu'il y vienne. Non, en tout cas, je vous le mentionne parce que ce sera une des... Ouais, ben, interactions. Il va en avoir quelques-unes, mais disons... grosse réaction dans la foule parce que... Tu vois, je rush, puis je t'ai dit tantôt que c'est le genre de critique qui me fait un peu angoisser parce que le band est plus actif que la foule. c'est dit. Ouais, ça bouge pas tant, mais le groupe, je le trouve fort sympathique. Ça a été un coup de cœur. Ça gigote sur scène, petit coup de tête là, qui martèle, et ça va bien avec la musique. Des fois, c'est plus lourd, des fois, c'est un petit peu marteau-piqueur, fait que la tête va avec. Il y avait un des guitaristes qui, lui, avait attaché ses cheveux. Il était très long, mais il y avait plein de petites mèches rebelles. Et pendant qu'il headbangait, mais en faisant, disons, des 360, j'aurais cru de la barbe à papa, tu sais, comme dans la machine, puis là, ça roule, puis là, il y a des petits filaments qui ressortent un peu partout. Exactement ça, sa tête. C'était merveilleux. C'était rempli de de sucreries, puis il savait pas. Mais je sais, il y a juste moi qui a remarqué ça, mais j'ai apprécié. Ça fait une différence sur mon spectacle. Un headbang attaché, mais quand même un peu foufou. Mais sinon... les autres, ça va être banni un peu façon vadrouille. Mais non, la foule, là, non, c'est ça bouge pas vraiment. Mais heureusement, ça parle pas vraiment non plus, tu sais. Ça écoute. Alors, c'est dans une bonne tranquillité que nous assistons au spectacle. Quand je te dis qu'il se passe pas grand-chose, c'est comme il y a eu des applaudissements, puis en même temps, il y a une bière qui a pété, le verre d'une pinte. Et là, ça a été une grosse action dans la crowd. Mais en même temps, pas tant. C'était subtil, le ramassage et tout. Par contre, l'interaction est fort sympathique. Oh, quelque peu blagueur. Quoi que c'était sincère quand ils nous ont dit qu'ils pouvaient agir comme un confessionnal si on avait de quelque chose à raconter. Ils étaient là avec une très belle écoute. Et ils ont des émotions. J'ai trouvé ça, sympathique. Mais là où c'était plus blagueur, c'est quand ils ont dit qu'ils feraient pas leur reprise de Cœur de loup à soir. Dommage, peut-être qu'avec le genre, ça doit être assez surprenant de reprendre Cœur de loup. Fait que oui, c'est quand même assez simple. C'est quelques petites interactions, mais qui donnent un très bon fond humain au spectacle et à la musique. Puis je crois que l'aspect un petit peu blague à la fin aura bien servi parce que il voulait avoir plus d'applaudissements. Fait que là, le chanteur il fait signe en tendant l'oreille, là, vraiment comme un cartoon. J'ai rien entendu. Et c'est tellement, je sais pas, cliché ou un peu grossier comme façon de chercher à avoir plus d'applaudissements que le fait qu'il ait fait peut-être des petits commentaires avec un certain ton rendait le tout. Ouais, charmant et pas trop arrogant comme je veux plus d'applaudissements. Non, ça se passait bien. Et même qu'il faisait des bras bien victorieux quand il a eu plus d'applaudissements. Merci pour la reconnaissance. On donne puis on reçoit. Beau partage. Je vous le dis, ça a été un bon coup de cœur. Ça suivi de Monobro qui se font du stoner doom psychédélique. Et vraiment, il y a plus de... Je pense que le genre aussi amène ça, mais c'est plus groovy, fait qu'on va le sentir dans les genoux, tu sais, du rebond, pas par toute la crowd. Ça va être vraiment plus par trois gaillards, là, qui sont dedans, ils sont ambiancés, ils s'amusent. Il était quand même beau à voir. Et finalement, la soirée s'est terminée avec le dernier show de l'année de Strange Brew. Et le groupe... Oh, j'allais dire accoutrement, mais quel beau costume de scène. Non, c'est pas du tout un accoutrement, puisqu'ils sont en chemise blanche bien propre et en veston en velours noir. Et dans la foule, ça va être banni un peu, mais de façon modérée. Et ça se modère aussi par la suite. Sur scène, je crois que le groupe qui était le plus animé, je crois que c'est Norilsk, mais en même temps, leur guitariste Strange Brew était assez... Ouais, il rockait bien la place. sans non plus est exubérant, là. On n'est pas très extraverti tout le long du festival. On dirait que j'ai plus beaucoup mes mots, là. C'est parce qu'ils sont pas en train de faire du jogging sur scène non plus, ou qu'ils sont pas en train de sauter sur place. C'est plus dans ce sens-là que je veux dire extraverti, mais quand même, ils sont vivants, présents. La foule est un peu loin pour la fin de la première soirée du festival. Oui, il va y avoir une petite distance, je crois, avec la plupart des groupes, même des petits trous dans la foule. C'est un peu clairsemé. Mais en même temps, la foule est présente. Je trouve qu'on est assez nombreux. Tu sais, le Casa, là, quand c'est sold out, tu le sens pas à peu près parce que c'est une petite place. Fait que ça fait, oui, oui, la proximité physique, puis aussi même dans l'air, tu sais, ça, c'est chaud. Tandis que là, non, non, non, c'était bien acclimaté. C'était agréable là-dessus. Juste assez de monde pour qu'on se sente bien. Pas trop pour se sentir un peu indisposé. Alors, le meilleur des mondes? Ah, presque, presque. Sur ce, ben écoute, j'ai dit que c'était mon coup de cœur. Fait qu'à raison de plus d'en écouter, on va écouter Norilsk avec la chanson La Voix des Morts. We'll be right back. dans toute sa lourdeur, je trouve Norlisk fort apaisante. Vous avez entendu La Voix des Morts qui se retrouve sur leur plus récent album, Le Passage des Glaciers. Et déjà le jour 2 du Aprilis Fest. Et j'arrive à l'heure! J'arrive à l'heure parce que je suis arrivée en retard et que le set a commencé plus tard aussi. Donc, retard plus retard égale j'arrive à l'heure, ça c'est merveilleux. Et presque, parce que j'ai manqué. OK, sur un set qui dure 15 minutes, on va se le dire que si t'en manques 5, t'as déjà manqué le tiers. Fait que oui, je n'aurais pas vu au complet Réa qui fait du drone. Question, mon Dieu, musicalité, c'est sûr que pour la crowd, il se passe pas grand-chose. Parce que, je sais pas, c'est ce qu'amène aussi le drone, non? Puis après ça, justement, en écoutant Norlisk, c'est fou, j'ai eu le flash. Mais oui, au Red Bull Music Academy, je veux dire, j'en ai vu des shows de drone, puis je veux dire, il y a tout le temps du monde qui se met... OK, il y en a un, une fois, il dansait littéralement, là. Je me demandais où il trouvait le beat. Fait que des fois, il peut avoir des moments assez inattendus avec le drone, mais de façon générale, le monde sont... tranquille, il écoute. Je trouve que c'est normal. C'est tellement puissant comme musique, et d'habitude, c'est très fort aussi. Mais toute cette puissance, tous ces éléments extérieurs, comme c'est tellement saturé, c'est tellement de distorsion, c'est tellement gros, genre, à l'extérieur de soi, que ça te concentre sur ton fort intérieur. D'où la raison que je trouve ça tout à fait naturel de vivre ça dans une tranquillité physique. Ouais, debout, couché, assis, la position que tu préfères pour écouter ton drone. Je pourrais pas te dire, mais il me semble que c'est bien correct. Passer beaucoup à absorber musicalement, et même en vibration. Fait que voilà. Alors, sinon, par la suite, c'était Black Sails for Red Sea. Et c'est un groupe de post-metal. C'est assez lourd. Ça me fait drôle. Parce que... ça, c'est cute, par exemple. Parce que le gars, il chantait pas, c'était juste instrumental. D'où la raison qu'il n'y avait pas de micro. Fait qu'il s'est adressé au public sans micro, ça, c'est cute. Mais oui, il s'adressait comme ça, un peu théâtral. Enchanté, tout le monde. Je trouvais qu'il aurait fait un bel accueil à Cabane à sucre, comme « Allez, venez manger de la tire ». Tu sais, comme il y avait une belle intonation pour nous accueillir, nous parler chaleureusement avec une voix feutrée, là. Ce que je trouve drôle, c'est pas lui, c'est un autre des musiciens qui, lui, a fait un commentaire sur le hockey. Et personnellement, je m'en fous un peu du hockey. Et si je suis un spectacle de musique, c'est peut-être parce que j'écoute pas la game à ce soir. Il y en avait-tu une ce soir-là? Je le sais pas. Il y avait-tu comme des échanges de joueurs, puis je sais pas. Je trouve que de toujours amener des sujets, là, tu sais, grand public, là où peut-être qu'on s'en fout un peu. Ben justement, on s'en fout. Ça m'a fait décrocher, mais dans un très mauvais sens du terme. Mais heureusement, ça n'aurait été qu'une seule réplique un peu courte. Je crois qu'il cherche. Il a essayé de chercher une certaine proximité avec le public, une certaine réaction, mais ça n'a pas tant été le cas. Et même dans la musique, je trouve qu'il y avait certaines intensités et ça s'est pas ressenti dans la foule. Pas de plus gros headbang parce que c'est plus violent à certaines parties du show. Non, on pourrait pas dire. Par contre, il y a de la boucane. La première soirée, il y avait des petites lumières en cage qui faisaient la décoration. Mais là, cette fois-ci, la décoration sera tout en broue blanche. Et oui, de la boucane par-ci, par-là. Et il y en aura aussi pour Sunsetter, que j'ai déjà fait la critique, qui était un show d'Appalaches à l'ESCO. C'est leur dernier show à Montréal. Et... je me faisais rire à moi-même. Ben oui, je fais souvent ça, me faire rire à moi-même. Je le fais tout le temps à la radio. Fait que... oui, il arrêtait pas de dire. Ben, il disait, puis c'était marqué sur le site, « Ah, c'est notre dernier show à Montréal. » Mais il disait pas que c'était leur dernier show de ses tournées d'adieu. Fait qu'il me disait, je supposais qu'il boycottait Montréal, où c'était genre leur dernier show à Montréal, mais il continue par être tout ailleurs dans le monde. Tu sais, ça se pourrait-tu? Un show d'adieu, ben pas d'adieu, mais un show, dernier show, à une place... mais pas ton band qui se termine juste parce que t'es comme, moi, j'ai fait le tour de ce ville-là ou, oh, j'aime pas tant la crowd, fait on vous aime juste assez pour faire un dernier spectacle, mais plus pour vous voir trop souvent. Enfin, je faisais bien des suppositions dans ma tête, mais non, c'est plutôt la fin du groupe. Enfin, c'est leur dernier show à Montréal, fait qu'on en a bien profité une dernière fois. Et là où je dis que, oui, la crowd peut être tranquille, il y en aura toujours un pour me contredire. Il n'était pas exubérant, mais il était en avant, il headbangait plus que la moyenne. Il y a toujours un fan. Oui, il y a aussi un bon spectateur qui... envie d'apprécier son festival du début à la fin. Alors oui, il peut être plus fan peut-être de Sunset Heure, mais il l'est également pour tous les autres groupes. Alors j'aime bien tous ceux qui se donnent et aussi vont faire la différence dans la foule, parce que il y a la petite distance qu'il peut avoir entre la crowd puis la scène, puis toi tu t'en fous. Mais oui, je t'apprécie pour ça, toi, personne qui headbang plus que la moyenne. Alors sur ça, je t'ai dit Boucan. Ah, ça c'est une belle occasion d'écouter les Indiens avec la chanson Boucan. We'll be right back. Ah, j'aime bien vous la passer, vous la repasser, vous la repasser de l'album Grande des Indiens. Ben oui, la chanson Boucan, elle est toujours d'adon lorsqu'il y en a sur scène et qu'elle agrémente les prestations des musiciens. Et toujours critique de crowd. Et ben oui, tout bon spectacle. Ah, même, bon, il y en a qui n'en ont pas, là, mais disons, ça arrive pratiquement jamais qu'il n'y a pas d'entracte. Entracte, ben, non, je ne ferai pas en tant que tel de critique de crowd de l'entracte. Mais la Casa del Popolo, c'est quand même divisé en deux. Fait que tu peux toujours prendre un petit break de la salle pour aller du coin plus resto, bar et divan. Divan pour reposer ses petits pieds. Et ben oui, s'asseoir. La veille, le vendredi, c'était une goth qui passait du Cold Wave, qui était là comme DJ. Le lendemain, c'était un espèce de duo qui donnait des beats exotiques. Je le mentionne parce que là, le lendemain, le samedi, écoute, il y avait une crowd. Ben, il y avait une personne dans la crowd du DJ. Il était collé sur le divan, puis il regardait les DJ, mais il dansait pas vraiment, mais il dansait un peu. Bref, il est constitué à lui seul, la foule, pour la musique qui ambiançait les buveurs. Mais j'ai quand même trouvé ça particulier parce que en retournant m'asseoir peut-être à deux reprises, là, à deux entractes différents, bien, il était encore là, fidèle au poste, mais juste assez comme beaucoup trop proche, tu sais, comme collé au divan puis collé genre au DJ set, mais en même temps trop distant pour être juste un ami parce que me semble qu'il n'allait pas comme dans le DJ booth aller jaser. C'était un homme bien mystérieux dans mon cas. Il aurait fallu que j'aille jaser, mais en même temps, il était trop concentré à checker les DJ. Enfin, je voulais pas non plus interrompre son activité de la soirée. Sur ce, ça donne une belle occasion d'aller écouter Les Dorothées et la chanson Le DJ brûle et c'est OK. Le punk rock qui marche. sur leur album Antisocial et Brutal. Il y a cette chanson Debout de Brutal Chérie et vous avez entendu un classique des Dorothée. Ben oui, le DJ Brûle et C'est OK de leur album Danse et Explose. Et c'est pas pour rien que je vous ai mis Debout de Brutal Chérie. Ça... Je vous ai parlé de vieillir tantôt et je fais « Ah, faut pas être rabat-joie, il faut pas vieillir. » Mais il faut penser, ben oui, mettre des bons souliers, c'est nono, mais je crois que quand on s'énerve pas trop dans un spectacle, là, je veux dire, ton poids, tu le laisses à peu près tout le temps à la même place sur tes pieds, peu importe tes habitudes, es-tu plus talon ou orteil, peu importe. Mais je crois que ça doit être ça pour moi, vieillir dans la crowd. C'est aussi de s'adapter et optimiser son bonheur de foule en mettant des bons souliers parce que oui, c'est pas pour rien que j'allais m'asseoir. C'est parce que, ah, des fois, je me disais, ah, mon Dieu, j'ai mis des souliers cheap, pas à peu près. Alors, c'est une leçon pour moi, mais aussi pour vous, crowd, parce que finalement, notre bonheur en foule, il peut durer toujours plus longtemps qu'on pourrait le croire si on est bien arrangé pour. Alors, voilà, mon Dieu, il va falloir rapidement faire une critique de crowd de au revoir. Aïe, aïe, aïe, il y a eu plein de petits problèmes techniques. Il fallait réanimer la machinerie et il y avait le drummer de Actuco Shiba qui était présent pour au revoir faire le VJ sur scène et je crois que c'est là que les patentes répondaient plus là, parce que oui, il y avait des projections en arrière et même sur le plafond. Ah, plus rien, on dirait que les fusibles lâchaient, je sais pas trop. Ça va à quelques reprises et finalement, et oui, il n'y aura que la musique. Et de toute façon, on n'y était présent que pour ça, non? Ben oui, on est là pour le spectacle, on est là pour l'agrément qu'il y a, mais au final, on est là pour la musique. Et ça se voyait que les gens étaient particulièrement venus pour au revoir, vraiment plus avancé la crowd, plus resserré même à l'intérieur de la casa. Là. Fait qu'il y avait plus d'espace en arrière. Les gens voulaient être proches du groupe. Et ça, je trouve ça bien révélateur justement de l'amour que les gens peuvent porter pour le groupe. Et c'est pour moi, c'est aussi la preuve. Tu sais, je dis que c'est difficile de des shows, oui, ça pouvait un peu hocher de la tête là, tu sais, on n'est pas dans les gros headbangs, on va se calmer les nerfs. C'est aussi des spectacles qui ont une certaine forme de sobriété, c'est simple. Oui, il va avoir certains jeux d'éclairage là, oui, il devait y avoir des projections, mais au final, c'est vrai que c'est la musique qui compte le plus et on pourrait se dire ah, mais on pourrait écouter l'album chez nous puis être bien heureux. Et moi-même, je préfère écouter ce genre musical-là. Ben oui, en spectacle, je trouve qu'il y a quelque chose qui nous enrobe. Le son remplit l'espace. Oui, la salle, mais tout notre corps, c'est pas aussi, tu sais, c'est pas violent comme du drone, là, mais mais la puissance, j'aurais beau avoir le meilleur système au son chez nous, je crois que ça, c'est incomparable entre un groupe en direct qui t'envoie la musique et en même temps, avec, ouais, je sais pas, il se passe quelque chose. C'est comme un cinéma pour l'oreille, tu sais, c'est vrai que tu pourrais écouter les films chez vous, mais il y a quelque chose de différent d'aller au cinéma. Et pour moi, au revoir, c'est un peu comme ça, comme un cinéma d'oreille. Et ça, la soirée aura fini de façon un peu plus brutale avec Die Hex, qui font dans le post-hardcore D-beat, le chanteur qui gueule comme une espèce de chien fantôme. Oui, interprète-le comme tu veux, mais moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et oui, la foule, même si peut-être ça peut être plus violent, on peut pas exactement le sentir dans la foule, mais non, c'est vrai que je suis fan de foule, alors je suis un peu biaisée, même si je vous fais des comptes rendus, mais puisque je ne suis pas la seule dans cette salle, c'est quand même bien la preuve que d'aller voir ces bennes en spectacle fera toujours la différence, que le meilleur des albums, le meilleur mastering, peu importe. Oui, il y a quelque chose qui se vit en spectacle et parfois ça se vit dans la tranquillité. Sur ce, ben écoute, on va passer juste un petit extrait de Au revoir avec la chanson Seeking. Sinon, ben écoute, la semaine prochaine, Critique de Crowd est de retour pour une saison estivale. Plein de festivals, plein de magie. Oui, tout ça en même temps. Et ben déjà, même la semaine prochaine, spéciale des francs couverts, je peux déjà te le dire à l'avance, c'est toujours plaisir d'animer sur les ondes de CISM. Alors je te dis bye bye crowd. We'll be right back.